Marabanyo foka kona yo Mama yengel Anissa Mwana ya chef ya motema ya yudu guluna Mwana ya dengez Yoka patra General Bugar, General Ndenge Akwase le sopani na mabele Ikwasi lope sengi kichepana Tama kangi mise voiko tana Oye yoki sengi voiko lana Ba eto le greve na mapata Ande koti yango na butu yango Oyo po isa dana kyo sa puti Obor ya le ke zukungu Andisi bazo jumele mteko aklame Kwa leke mali waksana rote Akampona charme, Yanine Aïssa, planète économie agitée. Lumière la purité, on fait bavagne ensemble, ça sera éloge à beauté naïve. La beauté naïve, Adolphe Mouté Bachiam, maman, Inès, la dame d'Asaki, Vincent Gomez, le directeur de la mission. La dame du bien joli de jolie. Akampona charme, Yanine Aïssa. Banete komi agite Banjisi bazo jumele niteko akame Olegi mani watara obisa Akase le sopani na mabele Etwa ki lante sengi kitye vane Tama kani miswe boiko dana Mwye oki sengi boiko lana Ma etwa le greve na mapata La luna koti nyongo na butu yongo Oyo po elisa zala kyo salafuti Obor ya le kuzkungu Bandisi bazo jumele mpeko akame Olegi mami watarabu Nishok Tchakumba 13e apôtre appel 14e apôtre DJ Franck Lublaise Londoulé Papa Norilo Mouna Lopez Oya JB Faké Tout pour eux par Papa la Victor Abra Dieu Mkambanga Azakati na ngayango, mre nange kumara kwa mwanye Jean-Jacques Bouillard.